Audiomatique. Hard choices, hard la transmission 278 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique de la formation britannique Test Department et la pièce Speak Truth to Power de son plus récent album Disturbance, sorti en 2019. Test Depth s'est formé en 1981 dans le contexte du gouvernement de Margaret Thatcher, vu à l'époque comme l'incarnation du libéralisme et de ses dérives, dérives qui ont été vécues par le mouvement ouvrier britannique dans les années 80. Donc, Test Depth, en utilisant la musique industrielle et s'alliant au mouvement ouvrier, se voulait une contestation artistique du libéralisme et une voix pour la classe ouvrière. Après avoir fait une pause de près de 20 ans, soit de 1998 à 2019, le groupe a donc livré son album Disturbance. Les sonoristes vous souhaitent la bienvenue à cette autre transmission d'Audiomatic qui est ouvertement discriminatoire pour toutes celles et ceux qui sont privés du sens de l'ouïe. could stay. And I'm at your window, beyond all sleep. Tokyo translate memories that I cannot free, but what will it take? We all make mistakes. I'll try to free the size of the past. We don't want to last. Need love or race to let out my mind. À Audiomatic, la chanteuse américaine Sharon Van Etten nous interprétait en conclusion de cette séquence musicale la chanson All I Can, extraite de son album Tramp, paru en 2012. Et pour débuter, il s'agissait du duo américain Zombie et leur composition DE3 de leur album Escape Velocity, sorti en 2011. poursuivons maintenant avec le trompettiste Christian Scott. C'était Thievery Corporation qui mettait un terme à cette séquence musicale à Audiomatique avec la pièce Ambition Eterna sur laquelle on peut entendre le chanteur colombien Vernie Varela. Cette pièce apparaît sur l'album de Cosmic Game paru en 2005. Avant Thievery Corporation, nous écoutions la musique de Hidden Orchestra, plus précisément la pièce Hushed, se retrouvant sur le deuxième album intitulé Archipelago. Et on amorçait la séquence avec la composition Tantric du trompettiste américain Christian Scott, composition apparaissant sur son album Stretch Music. Afin d'assurer la continuité d'Audiomatique, nous vous faisons entendre à l'instant le groupe anglais 6x7. À Audiomatic, ce bloc entièrement anglais se terminait avec la musique du groupe Thought Forms qui nous présentait la pièce Iia de leur album Songs About Drowning, lancé en 2016. Et en amorce de séquence, nous entendions la formation 6x7 et sa chanson 10 Places to Die, tirée de son deuxième album The Closer You Get, paru en 2000. Pour terminer la transmission 278 d'Audiomatique, nous allons entendre le projet Akamasots et sa pièce Ariman, tirée de l'album 10 Years Bat Vibes. Selon l'horaire habituel, les sonoristes seront de retour sur les ondes du 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour animer la transmission 279 d'Audiomatique. Il y aura également dans l'espace virtuel l'ajout des émissions passées sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique sur lesquels vous pourrez écouter ou réécouter nos anciennes transmissions en balado diffusion. Voici donc pour terminer Akamasots et la pièce Ariman. C'était Audiomatique avec les sonoristes. We'll be right back.